Le jour commence à poindre. Petit Jean et le père Poirier sont toujours endormis. Soudain, des coups de crosse de fusil ébranlent la porte de la maison et l'on entend au dehors un piétinement de chevaux, un cahotement de roues et un bourdonnement confus qui annonce la présence d'une troupe considérable. Au bruit des coups de crosse qui ébranlent la porte, le père Poirier, dont le sommeil est plus léger que celui de Petit Jean, brisé de fatigue, le père Poirier, éveillé en sursaut, regarde autour de lui avec surprise et inquiétude. Puis il entend les enfants, renfermés dans la chambre voisine, lui crier avec épouvante. « Grand-père, voilà des soldats, de la cavalerie, des canons, nous les voyons par la fenêtre. » À ce moment, on frappe de nouveau la porte à coups de crosse de fusil, et plusieurs voix disent « Ouvrez ! Ouvrez !» Le père Poirier, se levant péniblement de sa couche de bruyère. Oh, Petit Jean s'en doutait, c'est une colonne mobile qui fouille le pays. Il n'y a pas d'espoir de le faire échapper, pauvre garçon. Le regardant avec compassion. Quel dommage, il dort d'un si bon cœur. Petit Jean dort, en effet, si profondément qu'il n'a rien entendu. Allons, c'est fini pour lui. Se dirigeant presque courbé en deux vers la porte, « Ah, quant à moi, il paraît que c'est les galères, pour donner refuge à un ami. Quel temps! Misère de moi, j'ai vécu trop vieux. » Le père Poirier ouvre la porte de la maison, et à la pâle clarté du jour naissant, obscurcie par une neige épaisse qui tombe à gros flocons, voici ce qu'il voit. Un officier général à cheval, enveloppé d'un burnous bleu à capuchon, couvert de neige, se tient à peu de distance d'une compagnie de hussards portant de longs manteaux blancs. Un bataillon d'infanterie aux pantalons rouges et aux capotes grises a fait halte sur la route. Plus loin, deux obusiers de montagne, conduits à la prolonge par des soldats du train, sont escortés par un piquet de cavaliers d'artillerie vêtus de manteaux bleus à galons rouges. Enfin, à peu de distance de la maison, sont arrêtées sur la route deux grandes charrettes à trois chevaux. Elles sont encombrées de prisonniers. Plusieurs d'entre eux sont blessés. Les uns ont la tête demi-couverte d'un linge ensanglanté, les autres un bras enveloppé d'un mouchoir noué en écharpe. Des bourgeois, de riches propriétaires, des médecins, des avocats, des fermiers, tous solidement garrottés, sont assis ou couchés dans ces voitures, à côté de paysans vêtus de blouses ou d'habits rustiques. On remarque plusieurs paysannes au milieu de cet entassement d'insurgés de tout état, de tout âge, à demi couverts de neige, bleuis par le froid et frissonnant de tous leurs membres. Les uns mornes, abattus, les autres calmes, dédaigneux ou résolus. Plusieurs captifs, attachés deux à deux par des cordes et n'ayant pu trouver place sur les voitures, sont près des roues, debout ou accroupis sur le sol. Aux ridelles des charrettes, sont attachés quelques fusils de chasse et de gardes nationaux, enlevés aux insurgés. Les soldats restent, pour la plupart, silencieux et sombres. On n'entend aucun de ces joyeux propos qui circulent ordinairement dans une troupe en halte. Contenu par l'habitude de la discipline, un vague et secret remords pèse cependant sur la conscience de ces soldats, enfants du peuple, presque tous paysans, et forcés de traiter leurs frères en ennemis. Quelques-uns seulement, les moins jeunes, et surtout lorsqu'ils sont placés près des officiers, ricanent tout haut et plaisantent, en termes de caserne, sur cette chasse aux Bédouins, et quelques-uns essuient à l'herbe du chemin leurs baïonnettes rougies de sang. Les officiers, selon que leur rang les rapproche des grades supérieurs, affectent une contenance et un langage de plus en plus sardonique ou farouche. Mais les sous-lieutenants, les lieutenants et bon nombre de capitaines, impassibles et soucieux, exécutent cette sanglante razzia de citoyens avec une résignation militaire ou une obéissance passive et machinale. Ils exécutent aveuglément, fatalement, des ordres inexorables. Le sentiment du droit, de la justice et de la liberté a été comprimé, étouffé chez eux par la discipline. Mais du moins ils n'insultent pas ces insurgés, héroïques défenseurs du droit, de la justice et de la liberté. Les chefs de cette colonne mobile, plus en évidence, plus à même d'obtenir un avancement rapide, se montrent, au contraire, pour le mériter, menaçant, impitoyable. L'un d'eux, chef de bataillon d'infanterie, homme à l'œil injecté de sang et à longue moustache rousse, se détachant du groupe au milieu duquel se trouve l'officier général, descend de cheval, le donne à tenir à un grenadier et dit d'une voix haute et rude à ses soldats « 4 hommes pour fouiller cette maison !» Le père Poirier, debout au seuil de la porte, se range pour laisser passer les soldats et se dit « De l'infanterie, de la cavalerie, du canon et un général pour assiéger la cabane à Sylvain. Ah, que voilà une belle guerre !» L'officier supérieur au vieillard. « Tu es le maître de cette maison ?» Le père Poirier. « C'est mon fils qui en est locataire. » L'officier supérieur, entrant dans la chambre avec ses hommes et suivi du vieillard. « Si tu as eu le malheur de cacher ici un insurgé, ton compte est bon. » L'officier supérieur, précédant le père Poirier dans la chambre et apercevant aussitôt le lit où est couché Petit-Jean, toujours profondément endormi, s'approche, lève brusquement la couverture et les hardes sous lesquelles repose l'insurgé, tout vêtu, et remarque du sang à la manche gauche de sa blouse grise. L'officier supérieur, se retournant vers le vieillard et lui lançant un regard terrible. « Cet homme est blessé, c'est un brigand d'insurgé. Tu le cachais, vieux gredin ?» Le père Poirier. « Vous faites les demandes et les réponses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» L'officier supérieur, secouant rudement d'une main Petit-Jean par son bras blessé, montre le poing au vieillard. « Toi, tu en as pour 20 ans de galère !» Le père Poirier, haussant les épaules. « Merci, monsieur. Ça fait que vous m'assurez que je vivrai jusqu'à 95 ans, vu que j'en ai 75. Je ne croyais pas devoir vivre si vieux. » Il regarde Petit-Jean les larmes aux yeux. « Pauvre garçon, il dormait si bien. Ah, quel réveil !» L'officier supérieur, à Petit-Jean, le secouant toujours par son bras blessé. « Je vais t'apprendre à faire la marmotte, moi, bougre de partageux !» Petit-Jean, à demi éveillé par la douleur, jette un cri déchirant en portant la main droite à sa blessure. « Ah, vous me faites bien mal !» Il s'assied sur son séant, promène autour de lui ses yeux effarés, puis se réveillant tout à fait, voyant l'officier supérieur près de son lit et à travers la porte une masse de soldats, il comprend tout et s'écrie avec désespoir. « Ah, père Poirier, je vous l'avais bien dit, vous êtes perdu, c'est ma faute !» Il cache sa figure sur le traversin et éclate en gémissement. « Mon Dieu, c'est ma faute !» L'officier supérieur au vieillard. « Comment, misérable, tu savais à quoi tu t'exposais en cachant ce brigand-là ? » Le père Poirier, intrépidement. « Oui, je le savais. » L'officier supérieur. « Et tu as osé ?» Le père Poirier, relevant fièrement la tête. Petit-Jean était l'ami de mon fils. L'officier supérieur. Puisque ton fils a de tels amis, ça doit être un fier gueux. Où est-il? Le père Poirier, avec un éclat de rire effrayant. Ah, où il est? Et il est en prison. Sa femme aussi. Et moi, je vais aller aux galères. À 75 ans, après avoir été toute ma vie un honnête homme. Merci bien, monsieur. Merci de vous charger du vieux père Poirier. Ah, dame. « Je ferai un chétif galérien, et je ne durerai guère longtemps, mais ça n'est point ma faute. » Appelant. « Hé, Pierre, et Marie, venez embrasser votre grand-père pour la dernière fois. Pauvres chers enfants, vous ne le reverrez plus jamais. » 2 des soldats qui, pendant l'entretien du vieillard et de l'officier supérieur, ont été visiter la chambre où couchaient Pierre et Marie, rentrent en disant. « Mon commandant, il n'y a là-dedans que 3 enfants. » Pierre et Marie, à la voix du père Poirier, accourent effarés, éplorés sur les pas des soldats et se jettent au cou du vieillard. Le père Poirier embrasse les enfants en sanglotant, sans pouvoir d'abord prononcer une parole. Le petit Dominique, son Benjamin, est surtout l'objet de ses caresses déchirantes, et le vieillard murmure au milieu de ses sanglots. « C'est fini, cher petit. Le vieux père ne te fera plus de jolis sabots le soir à la veillée. « Adieu, mes enfants. Marie, veille bien sur tes frères. Vous voilà tous 3 de pauvres abandonnés, sans père ni mère. » Petit-Jean, se jetant à bas du lit, et d'une voix suppliante au commandant, « Monsieur, par pitié, laissez à ces enfants leur grand-père. C'est le seul parent qui leur reste. » l'officier supérieur. Foutez-moi la paix, brigande partageux. À ses hommes. Emmenez le vieux et le jeune. Il sort. Petit-Jean d'une voix éclatante. Les brigands sont ceux qui violent la loi. Les honnêtes gens sont ceux qui, comme nous, l'ont défendu. S'adressant aux deux soldats qui s'approchent de lui pour l'entraîner. Ah, mes amis, quel métier on vous impose. Un grenadier à voix basse. Eh, nom de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que nous y fassions, nous autres? On nous fusillerait comme des chiens si nous n'obéissions pas. Prenez-vous-en vos chefs. L'autre grenadier, s'approchant du père Poirier que les deux enfants enlacent en sanglotant. À part. Cochon de sort, je n'en ai jamais tant fait en Afrique, et au moins les Bédouins ne parlent pas français. Tout haut. Allons, mon pauvre vieux, en route. Il y a encore place dans la charrette. Petit-Jean donnant son bras au vieillard. Je vous le disais bien, c'est moi qui vous ai perdu. Ah, je ne me le pardonnerai jamais. Le père Poirier, avec un cri de joie soudaine. Mais j'y pense. Si mon fils est en prison à Orléans, je le verrai encore une fois. Je le verrai. Ah, quel bonheur! Les soldats emmènent le vieillard et l'insurgé. Les enfants de Sylvain tombent agenouillés au seuil de la porte, les mains jointes et en gémissant. On accouple le petit Jean au moyen d'une corde avec un autre paysan. Le père Poirier trouve place sur la charrette. L'officier supérieur, après avoir consulté le général, lève son sabre. Les tambours battent un long roulement. La colonne mobile se remet en marche. Petit Jean, d'une voix éclatante. « Vive la loi! Vive la Constitution! Vive la République !» Tous les prisonniers, avec enthousiasme. « Vive la République! Vive la Constitution! Vive la loi !» L'officier supérieur se tourne vers les prisonniers d'un air menaçant. « La loi ?» leur montrant son sabre. « La voilà, la loi, tas de brigands !» La colonne s'éloigne et disparaît au tournant de la route. Pierre, Marie et le petit Dominique, fondant en larmes, les mains jointes et toujours agenouillées au seuil de la maison. « Hélas, mon Dieu, nous voilà sans père ni mère, sans personne !»